demain. Mon putain de passé se lit dans mes mains. Je continue de me dire que je serai quelqu'un. J'ai dû faire du changement dans ma vie. J'ai vécu ces dernières années tellement vite que j'ai perdu mon souffle, mes rêves sont floutés. J'essaie de faire les choses parfaitement, mais je n'arrive jamais à un bon aboutissement. Je me plains, tu te plains, mais je vois encore plus d'orphelins sur cette putain d'île. Tes rêves ne sont que mensonges, alors pourquoi avoir ce style? Tu penses être fort, mais t'es aussi faible qu'un château de cartes. Je souffre sur ton empire et tu t'écroules comme si t'étais frappé d'une maladie. Je quitte mon univers, le moral en paix, donc je fume un peu d'herbe, pas de coquine, car je prends pas le temps pour l'amour. J'ai le temps pour une nuit, car j'ai besoin de vivre. J'ai toujours rêvé du jour où je serai quelqu'un. Voilà pourquoi j'essaie de survivre pour voir demain. Mon putain de passé se lit dans mes mains. Je continue de me dire que je serai quelqu'un. Devenir quelqu'un. J'ai toujours voulu être quelqu'un. Voilà pourquoi j'essaie de survivre pour voir demain. Mon putain de passé se lit dans mes mains. Je continue de me dire que je serai quelqu'un. Tout le monde me dit des conneries, ils essaient d'aggraver ma folie. Mais tu sais si mon cœur est dur, c'est que ma vie n'a pas été pure. À 14 piges, le couteau sous la gorge. J'ai bien cru que mon heure était venue. Mais m'insulte pas de débile, je me suis sorti de la mer tout seul. J'ai eu mes diplômes, je suis un homme seul. L'amour est resté sur le seuil, peut-être qu'un jour je l'ouvrirai, qui sait. Mais si c'est pour avoir une relation de merde, ouais j'emmerde cette pute. Tous les couples autour de moi ne sont pas des modèles. Juste par toi-même avant de me juger, j'ai décidé de changer, yeah. J'ai toujours rêvé du jour où je serai quelqu'un. Voilà pourquoi j'essaie de survivre pour voir demain. Mon putain de passé se lit dans mes mains. Je continue de me dire que je serai quelqu'un. Devenir quelqu'un. J'ai toujours voulu être quelqu'un. Voilà pourquoi j'essaie de survivre pour voir demain. Mon putain de passé se lit dans mes mains. Je continue de me dire que je serai quelqu'un. J'ai pas été toujours aussi défaitiste, mais avoue que nos vies sont constamment en risque. J'ai pris du temps pour filer de l'amour. En retour, je suis tombé sur mes genoux. Je ne peux verser de larmes, moi je sonne l'alarme. Prends soin de ta meuf, mais n'oublie pas tes vrais amis. Car souvent comme de faux amis qui dans le dos n'ont pas arrêté de me salir, qui brûlent en enfer. J'ai pas besoin de ces faux frères constamment en guerre. Mon caractère fait que je vis cette putain de vie en solitaire. Je devrais être militaire pour aider, protéger, tuer, combattre jusqu'en crever. J'ai dû changer, j'ai dû changer. J'ai toujours rêvé du jour où je serai quelqu'un. Voilà pourquoi j'essaie de survivre pour voir demain. Mon putain de passé se lit dans mes mains. Je continue de me dire que je serai quelqu'un. Devenir quelqu'un. J'ai toujours voulu être quelqu'un. Voilà pourquoi j'essaie de survivre pour voir demain. Mon putain de passé se lit dans mes mains. Je continue de me dire que je serai quelqu'un. Devenir quelqu'un.